Chapitre 2e. 48 heures après cette conversation, les deux amis se retrouvaient en présence dans ce même cabinet du juge. Celui-ci, à l'arrivée du notaire, étudiait, le crayon à la main, une grande carte, teintée de couleurs diverses, qui représentait la coupe géologique du département entre la chaîne des Puits et celle du Forez. Le papier était zébré de traits qui marquaient les corrections faites par le magistrat minéralogiste à la distribution des terrains. Il avait accueilli son visiteur par cette phrase, en frappant du doigt sur un endroit particulièrement souligné. « Et ils n'ont pas reconnu là de volcanique pliocène. » Puis, avec un bon rire, « Pardon, Artem, je te parle hébreu. Mes pronoms dont c'est le métier de recueillir des témoignages, ceux-là qui remontent à des milliers de milliers d'années, sont passionnants. On est plus sûr d'eux que du témoignage humain. » « Je t'en apporte une preuve, » dit le notaire. « Il s'agit encore de mes 2000 francs. Cette fois, je dépose une plainte, c'est bien décidé. Contre qui et sur quoi ?»« La maman de Gervais Moreuil a restitué. »« Elle l'avait restitué, » rectifia Cantelme. « En me voyant si débonnaire, elle et son fils ont réfléchi sans doute. Ils ont pensé que j'étais une simple poire, bref. J'ai vu cette femme débarquer chez moi ce matin, mais changée, mais aussi agressive et insolente qu'elle était humble avant-hier. Elle est la complice de son gredin de fils, tout uniment. Madame Moreuil, mais tu me disais toi-même, avant ce matin je ne la connaissais pas. Je la vois donc arriver à l'étude avec une de ces figures que j'appelle noires. Je crois que son fils est plus mal. Au contraire, il va beaucoup mieux, répond-elle à ma question. Elle me raconte que le délire est tombé avec la fièvre, que ce garçon a retrouvé ses esprits, qu'il lui a demandé où en est l'affaire du vol commis à l'étude et si on a découvert le coupable. Elle reste étonnée. Je te rapporte son témoignage à elle. Il insiste. Elle lui apprend qu'il a tout avoué dans son délire. Alors, c'est toujours elle qui parle. Il manifeste une émotion extraordinaire. Il affirme n'avoir aucun souvenir des paroles qu'il a prononcées. Suit toute une histoire à dormir debout, comme quoi il demande qu'on appelle un prêtre. Il se confesse. Il communie. Et resté seul avec sa mère, il lui jure, presque l'hostie aux lèvres, qu'il n'est pour rien dans ce vol, qu'il a posé son travail sur mon bureau, sans même s'apercevoir que les clés étaient sur le tiroir. Il m'a supplié de venir vous jurer de nouveau son innocence, conclut la mère. Et je suis venu. Et tu lui as répondu? Oh, bien simplement. Tandis qu'elle me faisait cet étonnant récit, je pensais. Toi, tu regrettes d'avoir restitué les 2000 francs. Je tenais là un moyen de vérifier sa sincérité. Offrir de les lui rendre, ces 2000 francs, en ne lui cachant pas que je continue à croire son fils coupable. Suppose-toi dans un cas pareil. Quelle sera ta réaction? Vous ne me croyez pas? En ne lui cachant pas que je continue à croire son fils coupable. Suppose-toi dans un cas pareil. Quelle sera ta réaction? Vous ne me croyez pas? Gardez cet argent. C'est le geste instinctif de la fierté qui ne supporte pas le soupçon, parce qu'elle se sait innocente. Et Madame Moreuil, elle, a pris les 2000 francs? Parfaitement. Et de quel air? Cet argent est à nous, monsieur, a-t-elle dit. Je vous l'ai apporté sans hésiter quand j'estimais que nous vous le devions. Je le reprends sans hésiter, parce que maintenant, c'est vous qui nous le devez. En face de cette impudence, la colère m'a pris, je lui ai dit. « Fort bien, madame. Vous reprenez votre argent. Moi, je reprends ma liberté. Je vais de ce pas mettre cette affaire entre les mains de la justice. » Elle a paru tout émue, puis se ressaisissant. « Faites, monsieur. » Et elle est partie, comptant évidemment sur ma bonté, sur mon ancienne affection pour son fils, sur ma crainte d'un scandale autour du personnel de mon étude. Elle se trompe. Ah, comme tu avais raison avant-hier. Quand tu traitais ce petit Moreuil d'affreux hypocrite, il a de qui tenir, tu vois. Alors ce n'est plus à l'ami Pingré que Maître Cantelme vient parler. C'est au magistrat. Nous voici devant l'article 63. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile auprès du juge d'instruction. Nous allons la rédiger, en bonne et due forme, cette plainte. Et débarrassant son bureau de ses documents minéralogiques, il prépara du papier, une plume, et dit au notaire en lui montrant le fauteuil « Assieds-toi là, je vais te dicter ta pièce. » Cantelme s'assit, et le juge commença d'aller venir dans la chambre en réfléchissant, puis s'arrêtant devant le bureau. « Tout de même, c'est un peu drôle que cette femme ait accepté l'argent, sachant son fils coupable. Elle n'était venue que pour ça, » dit Cantelme. « Soit. » Mais avec l'idée que tu la croirais quand elle te dirait « Mon fils a parlé dans le délire, ils ne se connaissaient plus et ses aveux ne comptent pas. Tu ne la crois point? Si elle t'a joué la comédie, que doit-elle faire? Agir en comédienne, donc exactement comme aurait agi ce personnage, innocent et fier, que tu imagines et que le soupçon révolte. Au lieu de cela, cette revendication hautaine, cette reprise de l'argent sous la menace du procès, cette dignité dans sa sortie. Si tu disais ce cynisme, Madame Moreuil, cynique. Enfin, tout arrive, puisque ce petit Gervais Moreuil, le fils de ce pauvre Moreuil, un si brave homme, a volé. De cela, nous ne pouvons pas douter. C'est justement parce qu'il ne se connaissait plus que son avis est indiscutable. Entre parenthèses, y a-t-il eu d'autres témoins de cet aveu? Tu me dis que le docteur Pacote a été appelé. La crise a eu lieu la nuit. Pacote était-il là ou non? Je n'en sais rien. Mais je ne peux pas passer ma matinée à méditer sur le plus ou moins de sincérité de Madame Moreuil. J'ai trop de travail à l'étude avec deux clercs seulement. Faisons-lui crédit, si tu veux, de penser qu'elle est de bonne foi et la dupe de son fils. Moi, qui ne le pense pas, je veux le procès. Qu'est-ce que je dois écrire? Ce que je vais te dicter. Quand la pièce dénonciatrice eut été rédigée, le juge la reprit et commença à la lire à mi-voix en appuyant malgré lui sur les mots « contre inconnu ». « Signe, conclut-il, c'est bien, je ferai le nécessaire. Je ne suis pas sorti de ce matin, j'ai besoin de marcher. Attends-moi, je te reconduis chez toi. » Maître Cantel m'habitait un vieil hôtel parlementaire, comme il s'en trouve beaucoup à Rion, bâti en pierre noire de Volvic, avec de hautes fenêtres à volets intérieurs. Au-dessus de la porte sculptée, les panonceaux professionnels prenaient tournure d'armoirie. Le rez-de-chaussée était réservé à l'étude, les appartements du premier étage à l'habitation. Ceux du second servaient à la fille du notaire, dont le mari était ingénieur dans le Nord, quand elle venait avec ses enfants passer les vacances à Rion. Par derrière, la maison s'accotait au boulevard de la Poterne, ménagée sur l'emplacement des anciens remparts, comme celui de l'hôpital qui lui fait suite. Arrivé sur le seuil, le juge, au lieu de quitter son ami, l'accompagna dans son cabinet de travail comme entraîné par la conversation. Sans doute avait-il en tête une autre idée, car à peine entré dans cette pièce, théâtre du vol des 2000 francs, il demanda, sans transition, en montrant le bureau. « Dans quel tiroir avais-tu serré tes billets de banque l'autre jour avant de reconduire ton client ?»« Dans celui d'en haut, à droite, » fit le notaire. « Mais pourquoi ?»« On pouvait donc voir, à travers la fenêtre, que les clés étaient sur le tiroir, » reprit le juge. « Cette fenêtre, » et il la montrait, « elle était fermée ou bien ouverte ?»« Je ne me rappelle pas, » dit Cantel. « Voyons, c'était mardi dernier, il faisait très bon ce jour-là. Mais par crainte de l'humidité, à cause de ton rhumatisme, tu avais allumé du feu, comme aujourd'hui. » « Sans aucun doute. Tu as dû avoir trop chaud, et comme la fenêtre est au couchant, et pleine de soleil à 7 heures, l'entrouvrir pour te donner de l'air. »« C'est probable. Où veux-tu en venir ?»« Du jardin, l'escaladerait-on facilement ?» continua Pingré, comme obstiné à ne pas répondre directement à son ami. Et allant vérifier lui-même, « L'appui est haut, mais un cambrioleur est volontiers un gymnaste. » »« Seulement, par où serait-il entré dans le jardin ?» Il y a une sonnette à la porte qui commande le couloir. On l'aurait entendu. Il y a le rempart. Ça, c'est impossible. Il tombe à pic. Eh bien, adieu, mon ami. Tu me permets tout de même d'aller un moment dans ton jardin? Mesurer la distance du parapet au boulevard, dit le notaire en riant. Tant que tu voudras. La justice est saisie, tu as tous les droits. Mais vraiment, quand on tient un bon aveu, perdre son temps à chercher autre chose, un aveu, mais oui. Et involontaire, c'est l'équivalent du fait lui-même. Et montrant les dossiers amoncelés sur sa table, je ne t'accompagne pas, tu m'excuses? Nous allons travailler chacun à notre métier, repartit le juge. Il passa dans le jardin, longue terrasse plantée d'énormes tilleuls, qu'il connaissait bien pour y avoir pris le frais si souvent, par les belles et douces soirées des étés auvergnats, où la brise vitale, venue des montagnes, soulage la brûlante atmosphère émanée du sol volcanique. Il continuait de suivre une pensée de plus en plus précise, car il marcha sans hésiter vers une tonnelle, une gloriette plutôt, dans laquelle on enfermait, pendant la mauvaise saison, les chaises destinées à ses repos du mois de juillet. La porte fermait simplement au loquet. Pingré l'ouvrit, en observant que la clenche n'était qu'à demi rabattue sur le mentonnet, comme poussée d'un geste hâtif. Un des sièges, à l'intérieur, était isolé des autres, rangé en tas dans le fond. Il gisait par terre. Autre signe d'une hâte chez la personne entrée pour la dernière fois dans la tonnelle. ce siège était un escabeau de bois, très léger et facilement maniable. Pingré remit ce meuble debout. Avec son mouchoir, il prit la dimension exacte des pieds. Puis il retourna dans le jardin jusqu'à la fenêtre du rez-de-chaussée qui donnait sur le cabinet du notaire. Là, il constata qu'un homme de sa taille pouvait, en se dressant un peu, apercevoir le bureau devant lequel Cantel m'était, en ce moment, occupé à feuilleter ses paperasses. Monté sur un escabeau de la taille de celui que Pingré venait d'examiner, arriver à l'appui était, sinon facile, possible avec un petit effort. Une fois sur l'appui, et que la fenêtre fut entr'ouverte, détacher l'espagnolette, puis sauter dans la pièce, n'était qu'un jeu. Arrivé à ce point de ses imaginations, le juge se surprit, se répétant à mi-voix sa question de tout à l'heure. Mais par où sera-t-il entré dans le jardin? Par le dehors, c'est impossible, en plein jour et avec un mur de 6 mètres, par la maison, impossible encore. Il considérait en ce moment la porte qui donnait accès sur la terrasse. Elle faisait l'aboutissement d'un corridor qui passait juste entre l'étude et le cabinet de Cantelme. Sur ce corridor donnait un escalier tournant par où le notaire pouvait monter à l'étage supérieur. Le tout séparé du vestibule d'entrée, où se trouvait le grand escalier, par une porte munie d'une sonnette. On a vu que Pingré s'en était avisé tout de suite, il y songeait de nouveau. Le voleur ne serait ni entré ni sorti sans que les clercs en fussent avertis, et puisque Moreuil était là, à moins que... Mais non, pourquoi aurait-il eu un complice? S'il est capable de voler, il a volé seul, comme le croit Cantelme. Tout de même, cette confession, cette communion, cette révolte de sa mère, ce procès bravé, quand la restitution arrangeait tout, à moins que... Non, cette attitude-là, c'est de la vérité. De la vérité, chez elle, à sa charge, à lui, il reste l'aveu. Ça compte pourtant un aveu, quand elle me dit bien. C'est un fait, le fait. C'est comme si j'avais vu ce garçon ouvrir le tiroir et prendre les billets. Chercher autre chose, c'est perdre son temps. Tenons-nous-en à l'aveu et allons transmettre la plainte à qui de droit. Comme il se préparait à quitter le jardin, il leva la tête machinalement pour regarder une tourelle collée à l'angle du vieil hôtel et qui en faisait une des originalités. Il n'eut pas le loisir d'en admirer une fois de plus la paradoxale sveltesse. Il s'aperçut qu'à travers une des croisées de cette espèce d'échauguette, il était lui-même regardé par quelqu'un qui se retira aussitôt. Ce mouvement avait été bien rapide, mais pas assez, pour que Pingré n'eût pas reconnu, dans ce visage appuyé contre la vieille vitre verdâtre, celui d'Edmond Cantelme, son filleul et le fils du notaire, l'étudiant en droit venu dans sa famille pour les vacances de Pâques. Cette pièce en rotonde servait de bibliothèque. Ce garçon s'y trouvait. Rien de plus naturel. Rien également de plus naturel que ce regard jeté sur le jardin, dans l'intervalle de 2 lectures. Mais le juge d'instruction était en proie à cet hérétisme de toutes les facultés que produit l'extrême attention professionnelle chez les êtres qui exercent leur métier en artiste. Et quoiqu'il eût fixé son existence dans le cadre étroit d'une fonction provinciale, Pingré appartenait à cette race supérieure. Par un jeu automatique de sa pensée, l'image du jeune homme le regardant et disparaissant si vite s'inséra dans la trame de son raisonnement. Pourquoi s'en est-il allé, au lieu d'ouvrir la fenêtre et de me parler? Aurait-il peur de moi? Cette question enveloppait déjà un soupçon, encore indistinct, qui se précisa quand le juge sortit enfin de la maison. C'était le matin. Le domestique des Cantelme, dont la femme servait de concierge, achevait de balayer le vestibule et le trottoir. Il était déjà occupé à cette besogne quand le notaire et le juge avaient passé le seuil 20 minutes plus tôt. « Monsieur Edmond est rentré, n'est-ce pas ?» demanda Pingré à cet homme. « Il y a un quart d'heure, » répondit celui-ci. « En même temps que Monsieur Cantelme et moi ?» insista le juge, poursuivant d'instinct une inquisition dont il n'entrevoyait pourtant pas l'aboutissement. « Juste derrière ces messieurs, » dit le domestique. L'autre eut aux lèvres une phrase qu'il ne prononça pas sur la direction par laquelle était venu le jeune homme. Il considérait la rue à gauche où il marchait, son ami et lui, quelques instants auparavant. Une nouvelle vision s'esquissait dans son esprit, imaginaire celle-là. Le jeune homme apercevant les silhouettes de son parrain et de son père y ralentissant son pas. Pourquoi? D'instinct toujours, par un cheminement irrésistible d'hypothèse en hypothèse, à cette supposition invérifiée, Pingré en ajoutait une autre. Pourquoi? C'est qu'il avait peur, comme à la fenêtre. Peur de qui? Mais de moi. Coup sur coup, plusieurs menus faits, inaperçus quand ils étaient produits, ressuscitèrent dans la mémoire du magistrat. Les silences d'Edmond depuis son retour à Rion, sa physionomie comme absente au cercle de famille, son amaigrissement et les lassitudes de son teint, signe de fatigue que son indulgente mère avait expliqué par une trop grande assiduité au travail. Enfin, ces derniers jours, et précisément depuis le vol, une gêne étrange, la suppression soudaine de ses visites chez son parrain. L'étudiant avait eu au collège un gentil talent de dessinateur, abandonné ou presque depuis des années, et pour lequel il s'était retrouvé un engouement. Sous prétexte de faire des croquis d'abord des environs, puis d'une vieille et célèbre église, celle de Mozac, dans la banlieue de Rion, il disparaissait le matin et une partie de l'après-midi. Ces indices se raccordaient si bien aux idées soudain apparues dans l'esprit du juge qu'il les réunit malgré lui dans une construction dont il eut horreur aussitôt. Il aimait à répéter de lui-même avec une bonhomie orgueilleuse « Moi, je ne suis qu'un juge d'instruction, mais je le suis des pieds à la tête. Je pense juge, je sens juge, je respire juge, je collectionne juge. » C'était légitimé par son métier, sa manie de minéralogiste. « Jusqu'au tuf, partout et toujours, c'est ma devise, » disait-il encore. Pour la première fois, ce tour de son intelligence qui lui faisait, dans la vie ordinaire, chercher des dessous au moindre incident, ce dressage technique au soupçon, lui fut douloureux. Il venait, dans un sursaut d'intuition, de voir Edmond à Paris, tenté par le jeu et perdant sur parole une grosse somme ou bien s'éprenant d'une femme, contractant des dettes pour elle, partant pour ses vacances, avec la nostalgie de cette femme quittée et la terreur d'une dette à confesser. Puis ce même Edmond dans le jardin, arrêté devant la fenêtre du cabinet de son père, apercevant les clés sur le tiroir. Le notaire était coutumier, quand il recevait des fonds, de les enfermer dans son bureau, s'il était occupé. Il les portait dans son coffre-fort le soir seulement. Cette habitude, son fils la connaissait. « J'en rêve, » se dit le juge en secouant sa tête grisonnante pour excuser ce cauchemar. « Edmond n'a pas fait ça. Il l'aveu de l'autre, l'aveu, l'aveu, » se répéta-t-il comme pour s'enfoncer plus profondément ces deux syllabes dans l'esprit. « Qu'est-ce que j'en fais ?» D'autres images s'évoquaient maintenant. Le malade dans son lit, mimant la scène du vol devant sa mère épouvantée, puis la rétractation, et faite avec un tel accent qu'elle avait emporté la conviction de cette femme. Car d'admettre, comme Cantelme, que cette vieille Madame Moreuil eût joué la comédie dans sa seconde démarche, cela non et non. La vie de la petite province comporte une connaissance réciproque des caractères qui va jusqu'au tuf, pour reprendre la métaphore de Pingré lui-même. La curiosité du magistrat était si fort éveillée qu'il allait maintenant d'un pas hâtif pour rentrer plus tôt chez lui et introduire sur l'heure la plainte du notaire. Il pourrait alors procéder à une enquête immédiate et savoir. Mais si le jeune homme était innocent, quel drame cette instruction représenterait et pour lui et pour la mère ? Devant la feuille de papier sur laquelle le notaire avait écrit la dénonciation, un scrupule soudain saisit le juge. Il demeurait immobile, à se demander s'il ne trouverait point un moyen pour débrouiller cette énigme avant de pousser plus loin. Mais oui, ce moyen existait. Gervais Moreuil prétendait ne pas même se rappeler cet aveu échappé à son délire. Une telle amnésie était-elle possible ? S'il mentait sur ce point, il était pris. Cette question en enveloppait une autre. Était-il possible qu'un délirant pût s'accuser faussement d'un acte dont lucide il s'était vu soupçonner ? « Il faut que je consulte un médecin, » pensa Pingré. « Mais lequel ?» Et l'exclamation familière aux paysans auvergnats, avec lesquels il causait dans ses promenades, lui venant aux lèvres, « Pardi, pacote !»